J'ai pas de contrat, pas de promo, pas de distrib. J'ai que ma gueule, le beat, mes couilles, ma putain d'équipe. J'rappe sans tatouage, sans bandana, sans bling bling. Les Montana à balles de enterré à se faire tout. Depuis MySpace et Skyblog, ils se sont tous dit: je vais faire du pura, comme s'il y avait pas assez de merde comme ça. Pour les puristes, c'est inconcevable. Excusez-moi les suspites, ce morceau c'est juste un constat. Sur les pochettes, les MC se mettent à poil, musculation et tatouage. 2010, j'ai sûrement loupé une page. Passe le mic, passe l'alias, dégage. Demande pas pourquoi, passe le mic, l'alias et les clés de la survoie. Appelle les condos au secours, bien armé ou même ta mère. Sonne l'alarme, sèche tes larmes, je confirme, c'est la merde. Fallait que je sorte un nouveau truc, que je fasse ça pour mes anciens, que je l'enfonce dans le huc de ces bâtards qui parlent pour rien. Fallait que je monte des signes de vie, la prod c'est déjà moelle, que je représente une fois plus comme si les autres n'avaient pas compté. Fallait que je sorte un nouveau truc, que je fasse ça pour mes anciens, que je l'enfonce dans le huc de ces bâtards qui parlent pour rien. Fallait que je monte des signes de vie, la prod c'est déjà moelle, que je représente une fois plus comme si les autres n'avaient pas compté. Fallait que je sorte des putains de sang, je reviens avec mes rimes trop crades. Explique à ceux qui démarrent que j'ai plusieurs stats son avance. J'ai vu le rap partir en couille, je l'ai vu débarquer en France. 92, premier freestyle avec Habib et Juice. 2010, je suis encore à l'attente dans le prochain Ice Cube. Le rap ressemble de plus en plus à un putain de mauvais film. Tapis rouge, limousine, peu importe leur score au box office. J'envoie ce message au fils de pute qui pourrissent le truc via ce putain de lyrics. J'ai vu leurs clips de merde, des putes le cul à l'air, des pantins sapés comme des gangsters. Les caisses de luxe, diamants de l'or autour du cou et sur les dents. Je reste en dehors du rang avec le son qui te rentre dedans. Polo plein de sang, sponsorise le dentiste, petite manque tes dents. Fallait pas venir sans protection, fallait pas venir sans protège-dents. Fallait que je sorte un nouveau truc, que je fasse ça pour mes anciens, que je l'enfonce dans le huc de ces bâtards qui parlent pour rien. Fallait que je monte des signes de vie, la prod c'est déjà moelle, que je représente une fois plus comme si les autres n'avaient pas compté. Fallait que je sorte un nouveau truc, que je fasse ça pour mes anciens, que je l'enfonce dans le huc de ces bâtards qui parlent pour rien. Fallait que je monte des signes de vie, la prod c'est déjà moelle, que je représente une fois plus comme si les autres n'avaient pas compté.